Bonsoir à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition. En voici les grandes articulations. Un couple de la commune Lugombo en province Chivitoka a été retrouvé mort le matin de ce dimanche. C'est après avoir consommé du vin de palme. Vous aurez les détails dans cette édition. Dans cette édition, on ira également en province, en commune Rumonge, pour parler des défis qui hantent le secteur de l'éducation. Et le jeune Burundais Alan Gatoto a remporté ce samedi la finale du World Tennis Tour au Rwanda. Et c'est la satisfaction du coordonnateur national de tennis. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Ouimana. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir. Le président burundais appelle la population à la transformation des minerais lors de la célébration de l'Imbonerakure Day ce samedi en province de Makamba. Le président Évariste Ndayishimiye a réaffirmé que le Burundi n'est pas du tout pauvre. Suivez-le dans cette traduction d'Alain Désiré Bukenez. Préservons la paix et la sécurité. Évitez tout ce qui peut tenter de nous diviser. Que personne ne soit inquiété comme quoi le Burundi est pauvre. Le Burundi a énormément de ressources. Je vous dirai que rien n'est impossible. Débutons la transformation de nos ressources naturelles. Nous avons de l'or, le fer, du nickel. Nous avons différentes catégories de minéraux. Il faut donc commencer la transformation. Heureusement que les mines détournées représentent une petite quantité. Vous savez que la terre rare avait été détournée. Mais aujourd'hui, la situation a été rétablie. Pensons à notre propre technologie, transformer nos ressources. C'est comme cela que notre pays sortira de ces moments durs. Le président burundais Évariste Ndayishimiye en page sécurité. Deux personnes, un mari et sa femme, ont été retrouvées mortes à leur domicile à la troisième transversale de Lugombo en commune en province Chivitoke. L'administrateur communal a fait savoir que des sources en sa possession font état de la consommation d'une boisson de vin de palme. Le point avec Alexis Ndayiragije. Tarsin Sanzamaoro et son épouse, qui sont morts la nuit de ce samedi à dimanche à la troisième transversale Rugombo de la commune Rugombo, avaient pris du vin de palme, communément appelé Mungazi, dans un bistrot se trouvant non loin de chez eux, selon les sources sur place. Ces mêmes sources affirment que vers 18h, ils sont rentrés chez eux. Par après, un voisin qui passait voir Sanzamaoro chez lui indique qu'il a trouvé son épouse évanouie. Lorsqu'il est entré dans la maison, il a trouvé le chef de ménage évanoui également, indique-t-il. Il continue en indiquant qu'il a alerté les voisins pour évacuer les victimes qui sont mortes en chemin vers les structures de soins. L'administrateur de la commune Rugombo, Gilbert Manirakiza, indique que les victimes auraient consommer du poisson dans son vin de palme. Le matin de ce dimanche, les corps des victimes ont été conduits à l'hôpital Chibitoke pour l'autopsie afin de savoir les causes de leur mort. Les enfants de Sanzamaoro demandent que la justice soit faite pour que celui qui serait à l'origine de cette perte en vie humaine soit sanctionné. Pour le moment, le propriétaire du petit bistrot où les victimes ont pris ce vin de palme a été arrêté pour question d'enquête. Depuis Chibitoke, Alexine Deiragije, Radio Isanganiro. Quittons la province de Chibitoke pour nous rendre un peu plus au sud, en commune Rumonge, où le manque de matériel didactique et d'infrastructures scolaires adéquates, un personnel enseignant mal réparti et faiblement encadré sont certains des défis à l'origine du faible rendement scolaire observé en commune scolaire de Rumonge lors des états généraux de l'éducation organisés par cette commune. Ce vendredi, les participants ont trouvé que ces défis doivent trouver solution pour espérer avoir de bons résultats dans ce secteur. Une correspondance est signée Jean-Pierre Misago. Parmi les 13 grands défis identifiés comme étant à l'origine des faibles rendements obtenus par la commune scolaire de Rumonge dans les examens nationaux, les participants dans ces états généraux de l'éducation en commune Rumonge ce vendredi mentionnent un faible encadrement des enseignants, mais aussi des élèves. Pour eux, certains directeurs et préfets des études ne contrôlent pas journalièrement si leurs enseignants sont réguliers dans la classe, s'ils préparent les leçons ou s'ils enseignent réellement en classe et de leur côté, les parents n'encadrent que faiblement leurs enfants à la maison. Un autre défi identifié est la non-récompense des meilleurs directeurs, enseignants et élèves afin de réveiller l'esprit de compétition. Ici, les participants notent qu'il y a un moyen simple d'encourager les meilleurs enseignants, notamment en les privilégiant lors de la surveillance ou de la correction des examens nationaux. La non-maîtrise du français, pourtant langue d'enseignement, et pour les enseignants et pour les élèves, a été également mentionnée parmi les grands défis que toutes les parties concernées doivent élever. Alors que les états généraux se sont déjà tenus à maintes reprises au niveau provincial, sans pour autant arriver à inverser la tendance, les participants dans cette réunion s'engagent chacun à ce qui le concerne à militer en faveur du changement dans ce secteur. Certains enseignants de la commune Ormongué disent avoir été écartés de ces états généraux. Mais pour l'administrateur communal de Ormongué, leur tour et même celui des élèves viendront avant d'arrêter des mesures définitives de redressement de ce secteur. Jean-Pierre Misago depuis Ormongué, Radio Isanganiro. De Ormongué, revenons à mairie de Bujumbura pour parler de ce manque de moyens pour les soins de santé, un manque de matériel scolaire étant des défis que rencontre au sein de l'association des Albinos sans frontières. Au cours de l'année écoulée, Nseba Ngirina, représentant légal de la dite association, l'a dit ce dimanche après une assemblée générale au cours de laquelle il y a eu présentation des réalisations et mise en place de nouveaux organes. Il a demandé au gouvernement de mettre en place certaines lois pouvant protéger les albinos. Suivez-le au micro de Clovis Nyonguru. Les défis n'ont pas manqué, par exemple, au niveau de la santé. Comme faute de moyens, pas mal des albinos souffrent du cancer de la peau. À un certain moment, nous manquons les moyens financiers pour qu'ils puissent être soignés comme il faut, se rendre dans les pays les plus expérimentés en matière de la cancer pour les soins. Certains d'entre eux sont morts, mais d'autres ont été soignés pour le moment, sont revenus dans les ménages. Au niveau de l'éducation, comme nous avons un bon nombre d'albinos, à un certain moment, si nous trouvons les matériels scolaires, certains d'entre eux peuvent ne pas trouver des cahiers parce que nous trouvons peu de cahiers par rapport aux effectifs qui sont à l'école. Aussi, au niveau du volet développement, certains albinos adultes qui veulent exercer des activités génératrices de revenus et peuvent manquer des capitaux sociaux pour qu'ils puissent exercer ces activités. Mais en tant qu'association Albinos sans frontières qui est sur l'œuvre, doivent quand même conjuguer des efforts pour équilibrer les défis et les résultats positifs par rapport aux activités à réaliser au sein de l'ICF. Un appel le plus crucial que je fais rentrer à l'endroit du gouvernement, et peuvent quand même voir comment mettre en place certaines lois pouvant protéger les albinos dans différents secteurs comme la santé, au niveau de l'éducation, et aussi comment ils peuvent adopter une loi qui peut permettre aux albinos d'adhérer dans des organes de prise de décision pour qu'ils puissent défendre eux-mêmes la communauté des personnes atteintes d'albinisme. C'est ce que nous pouvons lancer comme un appel, mais nous voyons réellement que notre gouvernement est en train de conjuguer les efforts à savoir au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, mais nous comprenons qu'il va y avoir une nette amélioration à la prochaine. Et de son côté, Odile Nizigiman, la nouvelle présidente de l'Assemblée générale de l'association Albinos sans frontières, a demandé au gouvernement de conjuguer plus d'efforts pour soutenir les albinos afin qu'ils puissent se développer comme d'autres. La radio de l'avenir. À 18h11 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivant cette édition, les pays en amont du fleuve Nil, dont le Burundi, sont les grands gagnants du projet de loi portant ratification par le Burundi de l'accord cadre sur la coopération dans le bassin du fleuve Nil, adopté par l'Assemblée nationale au cours de cette semaine. En avis de certains certains, des avis de certains députés qui estiment cependant que sa ratification sera difficile, voire impossible pour les pays en aval de ce fleuve, notamment l'Égypte qui détrône l'utilisation exclusive des eaux de ce fleuve. Le ministre de l'Environnement l'a reconnu et a indiqué que ce dernier est tenu à partager cette ressource avec les 11 pays formant le bassin du fleuve Nil. Le point avec Jean de Dieu Irakoudzi. D'après certains députés, le Burundi, de même que les pays en amont du fleuve Nil, devait d'abord recourir aux pays en aval de ce fleuve pour accéder à l'utilisation de ces eaux pour des fins de développement, selon l'ancien traité concernant cette ressource. Dans ce traité, les pays en aval, notamment l'Égypte, s'étaient emparés de ces eaux. Ils estiment que le Burundi va tirer profit de ce nouvel accord cadre de coopération une fois ratifié. Agathon Gwasa figure parmi ceux-là. Il y aura la plus-value si le gouvernement du Burundi ratifie cet accord cadre de coopération. Certains projets pourront être réalisés, notamment les projets d'irrigation et de barrages hydroélectriques à Kanyaru, à Ruvyironza et ailleurs. À titre illustratif, souvenez-vous que dans le récent accord de coopération promulgué par le gouvernement du Burundi en février 2022, il était mentionné que le Burundi ne pouvait rien faire sans se baser sur le code de l'eau de l'Égypte. Même son de cloche pour le député Boutoué-Désiré qui ajoute que c'est une situation dans laquelle les pays en amont du fleuve Nil tirent profit. Si nous ratifions cet accord cadre, nous voyons que les pays en amont du fleuve Nil et leurs citoyens pourraient y tirer profit. Pourtant, ces députés craignent que les pays en aval, dont l'Égypte, ne puissent pas ratifier cet accord cadre qui prône le partage de cette ressource, inquiétude reconnue par le ministre de l'Environnement. Toutefois, il indique que les pays en aval sont tenus à adhérer pour le partage. Sanctus Niragira. Cet accord cadre ne changera rien à la vie sociale de la population égyptienne, sauf qu'il est difficile de se détacher complètement de quelque chose qui t'a fait grandir. Ils continueront à profiter de cette ressource, mais aussi il est impératif que chacun bénéficie ce dont il a droit afin d'avancer ensemble sans aucune lamentation. Dans cette plénière, l'on a précisé que le Burundi tend à être le cinquième pays en amont sur six ayant déjà adopté cet accord cadre. Et si ratification correspondant à six pays sur les 11 qui composent le bassin du Nil suffisent pour que cet accord cadre entre en vigueur. Jean de Dieu, Irakoudzi, les coupures intempestives du courant électrique en commune Erango de la province Kayanza freinent le développement de cette commune. Deus Babahukubgay, administrateur communal, indique que cela impacte négativement la connexion Internet et les rapports ne sont pas donnés à temps et la communication est également perturbé avec les chefs hiérarchiques. L'administrateur communal de Rango demande aux instances habilitées de trouver solution à ce problème. Suivez-le dans cette traduction française de Patrick Nsengiyumva. Le problème de la coupure du courant électrique est une réalité. D'abord, les poteaux électriques tombent beaucoup, surtout pendant la période pluvieuse. La commune Erango a été électrifiée après d'autres communes. Le courant électrique se coupe beaucoup et c'est un problème pour les habitants exerçant les activités nécessitant le courant électrique. Il y a ceux dont leur famille trouve quoi mettre sous la dent avec les activités qui nécessitent le courant électrique. En ce qui est de la communication via la connexion Internet, c'est un problème trop sérieux en cette commune. C'est aussi un défi majeur avec notre service. Nos chefs hiérarchiques ne comprennent pas cette situation. On peut parler du retard que nous enregistrons avec les rapports d'activité. Nous sommes obligés de nous déplacer dans d'autres communes à la recherche de la connexion Internet. C'est un grand problème et une préoccupation pour les habitants de la commune Erango. Nous avons déjà lancé un appel vibrant au ministère concerné par la question via l'administration provinciale, car dans des visites que les administratifs et provinciaux effectuent en cette commune, ils constatent qu'il n'y a pas de la connexion Internet. Une brève sportive avant de clore cette édition. C'est habitué à des compétitions internationales et des entraînements menés en Afrique du Sud. Tels sont certains des atouts de la victoire de ce jeune Burundais Alan Gatoto lors de la finale du World Tennis Tour qui s'est clôturée ce samedi au Rwanda en battant l'Allemand Christopher de 7 à 1. Innocent Chimirimana, coordinateur national au sein de la Fédération burundaise de tennis, fait savoir que cette victoire va permettre à ce jeune Burundais d'être parmi les meilleurs joueurs de tennis au niveau mondial. Voilà, à 18h16 dans les studios de la radio Isanganiro. Point final à cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne soirée. Au revoir.